هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على المصطفى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما بعد، بحول الله جل وعلا نواصل مع هذه السلسلة. Ici on continue avec cette série sur les règles de tajwid, ahkam ou tajwid. Et je pense qu'on arrive à la fin de cette série. C'est pas bien sûr le dernier cours, hein, mais laquelle on arrive dans les derniers cours, inshaAllah ta'ala, وبالله التوفيق. Là, on est arrivé à Ahkam al-Ra. Comment on prononce la lettre ici, Ra? Est-ce qu'elle doit être emphasée ou est-ce qu'elle doit être prononcée avec légèreté? Avec emphase, c'est ce qu'on appelle avec At-Tafrim, yani Mufakhama, ou bien ici avec légèreté, de façon plus aiguë, c'est ce qu'on appelle At-Tarqiq, c'est-à-dire Muraqqaqa. De quelle manière on doit la prononcer? Donc ici, il faut se concentrer un peu. Il y a les enregistrements, vous pouvez revenir. Surtout que cette période, il fait, c'est assez tard, donc c'est un peu difficile de tenir le coup. Lakin ala kulli hal, on n'a rien sans rien, d'accord? Et le paradis n'est pas gratuit. Et la science, elle ne s'achète pas avec des dirhams ou des euros ou je ne sais quoi encore. Donc ici, il faut s'efforcer de suivre un peu. Et ceux qui se sentent un peu perdus, qu'ils sachent que ça, c'est parmi les ruses de shayatin, parmi les ruses de shaytan, de faire désespérer la personne dans l'apprentissage de la science. Tu comprends rien, t'arriveras pas, c'est trop dur, tout se mélange. Au contraire, quand ça vous arrive, ces insufflations sataniques, ici il faut aller de l'avant, il faut continuer, il faut persévérer. Vous verrez que bi'idhnillahi azza wa jal, avec ad-du'a, avec la cause de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah ta'ala, Allah azza wa jal va vous ouvrir les portes de la compréhension. Donc on est toujours dans comment lire Al-Qur'an Al-Karim kama yanbaghi, comme il convient. On est avec Ahkam Ra, avec les règles du Ra. Il y a deux façons, soit avec emphase, c'est-à-dire que l'on remplit la bouche en prononçant. La bouche est alors à la verticale, elle est plus en verticale. Ra, Ra, d'accord? Là j'exagère un peu, mais pour vous montrer, hein. Ra. Et c'est ce qu'on appelle At-Tafrim, Ra. Et ici, avec légèreté, c'est ce qu'on dit en général, c'est de façon légère, sans remplir la bouche. La bouche est alors à l'horizontale, comme si on faisait une sorte de sourire. Ri. Par exemple, avec la kasra, ri. Ra, ri. Wadih. C'est ce qu'on appelle at-tarqiq. Et lorsqu'on rencontre la lettre ra, il y a trois possibilités qui s'offrent à nous, selon sa vocalisation ou sa place dans le mot. Ça dépend comment il est vocalisé et la place qu'il a le ra dans le mot. Il y a trois cas. Soit on le fait avec at-tafrim, comme l'exemple ra, soit avec at-tarqiq, ri, de façon plus léger, ou soit on a le choix, bit-tafrim ou bit-tarqiq. Tu peux faire emphasé, ar, ou bien ir, d'accord? Emphasé ou bien ici avec légèreté. Clair? Le premier des cas, c'est quand on le fait avec at-tarqiq, quand on le fait avec légèreté. D'accord? Quand le ra, on le fait avec légèreté, on le prononce avec légèreté. Donc ici avec at-tarqiq. Ça c'est le premier cas. Donc ici il y a plusieurs catégories. D'accord? Qu'on retrouve et dans lesquelles on le prononce avec légèreté. La première c'est la plus simple. Pour at-tarqiq ou pour tafrim. Pour at-tarqiq, c'est quand vous voyez qu'il y a une kasra. D'accord? C'est la plus simple. Il y a une kasra sur le ra. C'est-à-dire, on dit ri. Donc là, on peut pas dire ri, ri. On peut pas remplir comme ra. Ra, vous entendez ra. Là, d'accord. Mais on peut pas partir dans l'emphase de tafrim avec le i. Parce que déjà, quand tu dis juste i, tu fais ici, ta bouche, elle est à l'horizontale. C'est comme si tu faisais un sourire. I. Donc c'est pareil, ça doit suivre. Ri. D'accord? Ri. C'est pour ça, par exemple, on a dans ici surat an-nas min sharri. D'accord? Tu vas pas dire min sharri. Tu peux pas. Min sharri. D'accord? C'est aigu, c'est avec légèreté. C'est-à-dire tu fais une sorte de sourire. I ri, ri. D'accord? Donc dès qu'il y a une kasra, c'est avec at-tarqiq. Muraqqaqa, c'est-à-dire de façon légère. Mi sharri. D'accord? Tu fais cette position avec ta bouche horizontale, une sorte de sourire. Ri. Wadih? Le deuxième cas. Le ra, il porte une sukun, donc on a r. D'accord? C'est ni ra, ri, ru. Non, c'est r. Il y a une sukun. Ici, en fin de mot, le mot il est terminé et il est en fin de mot. Et il est précédé d'une kasra. Il est précédé d'une kasra. Nahou, l'exemple. Donc ici on a dit que on termine le mot, la dernière lettre du mot c'est le ra ici avec une sukun. Donc r. Mais la lettre qui vient avant, elle porte ici une kasra. Par exemple, on a وَرَبَّكَ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فَكَبِّرْ. Là, on a le ba, كَبِّي كَسْرَ et le ra بِالسُّكُون. Donc on s'arrête dans كَبِّرْ. D'accord, on ne va pas dire كَبِّرَ كَبِّرِ كَبِّرُ. Là, on ne parle même pas de ça parce qu'on s'arrête. Donc dans tous les cas, ça sera, ça reste ici avec السُّكُون. كَبِّرْ. واضح. Donc ici, كَبِّرْ. Il y a ra bisukun. Donc comment on va savoir s'il doit être emphasé ou bien bitarqiq, kabir ou bien kabir? Comment on va le savoir? On regarde la lettre qui est avant. Et après on applique la même règle. Si la lettre qui est avant elle porte une kasra, d'accord, c'est clair. On reste dans les i, d'accord, dans les tarqiq. Ça veut dire que si elle porte une kasra, on reste dans la légèreté pour le ra bisukun. Donc on va dire wa rabbaka fakabbir fakabbir, d'accord, avec légèreté. Kabbir, la bouche elle reste horizontale. Fakabbir, واضح. Et ici ya ayyuhal mudath, ya ayyuhal mudathir, d'accord, on va pas dire mudathir, on peut pas, d'accord. Ya ayyuhal mudathir, mudathir, d'accord, c'est avec légèreté, d'accord. Donc, on a plusieurs exemples dans le Coran. Fakabbir, muddathir, wadih. C'est la même chose pour tous les autres cas. Qui, quand ra est avec une sukun, elle est non vocalisée. Et la lettre qui vient avant, elle porte une kasra. Troisième cas. Il y a le ra qui porte une sukun. Maintenant, on est que dans les ra qui portent une sukun. Ra avec sukun. Ar. Wadih. Le ra avec une sukun. Mais là, il est au milieu du mot. Là, il est plus à la fin du mot. Fakabbir. D'accord? Muddathir. Non, il est au milieu du mot le ra avec sukun. Wadih. Il est au milieu du mot précédé d'une kasra originelle et suivi d'une lettre fine non emphatique. Précédé donc ici d'une kasra, la lettre qui va venir avant le ra, kasra aussi. Et la lettre qui va venir après ici, c'est une lettre non emphatique, fine. C'est pas comme les lettres emphatiques bittafrim comme le qaf, d'accord, qa, da, ta, sa, etc. Non, c'est une qui va être non emphatique. Donc là, à ce moment-là, c'est la même chose. Bittarqiq. Là, on est que dans le tarqiq. Donc là, exemple, on va dire فسبح بحمد ربك واستغفر. واستغفر, d'accord, il y a le ha à la fin, واستغ, hein? D'accord, le rein, واستغفر, d'accord. Ici on a واستغفي, on a le fa, on a la kasra, après on a le ra bisukun. Donc on regarde la lettre qui est avant kasra et la lettre qui vient après. Ici on a dit فسبح بحمد ربك واستغفر. Le ha ça fait pas partie des lettres emphasées. Donc la lettre après, elle est pas emphasée. La lettre avant, elle porte une kasra. Pareil, bit tarqiq. D'accord? Fasabbih bihamdi rabbika bi rabbika fastaghfir. D'accord? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. D'accord? Wastaghfir. C'est clair? On a le cas qui suit encore. C'est le ra qui porte une sukun en fin de mot. Le ra qui porte une sukun en fin de mot, on retourne en fin de mot. D'accord? On retourne en fin de mot. est précédé par un ya. On est en fin de mot, d'accord? Il est précédé d'un ya. Ah, le cas avant, il n'était pas en fin de mot, il était en milieu de mot. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Il y a le ha après. Non, là, on retourne en fin de mot. Il est précédé ici d'un ya, sakin, non vocalisé. Bit tarqiq. Exemple, ici, inna rabbahum bihim yawma idhin la khabir. La khabir. Le ya après. D'accord? Il y a le ba, après il y a le ya, et ensuite le ra. La khabir. Tu vas pas dire la khabir. Non, la khabir. Normal, adi. D'accord? La khabir. Tu laisses horizontal. Clair? Ici, on a encore un cas. Le ra, qui porte une soukoun, toujours. Et il est précédé par une lettre fine. La lettre avant, c'est une lettre fine. D'accord? Lettre fine, c'est-à-dire, c'est pas les lettres emphasées. Mais elle est sakin. C'est-à-dire, elle porte une soukoun. Et elle-même est précédée par une lettre ayant une kasra. Donc la lettre avant le ra avec soukoun, il n'y a pas de vocalisation. Il n'y a pas de voyelle. Donc là, comment on va se référer? On regarde. Cette lettre-là, elle n'est pas emphasée. Première des choses. Deuxième des choses, on va voir la lettre qui est avant cette lettre-là, qui n'est pas emphasée, qui porte une soukoun, et cette lettre-là qui est avant elle, elle porte une kasra. Tarqiq encore. Wadih? Exemple. Yu'allimuna an-nasa as-sihr. D'accord? Yu'allimuna an-nasa as-sihr. Donc ici, on a le ra, bis-sukun, on a le ha. Allez, il n'y a pas de voyelle dessus. Et ensuite, on a le sin. Et il porte une kasra. Si, après on a sihr. D'accord? يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ الآيات. Ici, Allah Azza wa Jal, il parle, d'accord, de ceux qui leur enseignent le sihr, et il dit يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. واضح. On reste avec le tarqiq. C'est clair pour le tarqiq? التفخيم maintenant. التفخيم, c'est avec emphase. On remplit la bouche. Et là, la bouche, elle n'est plus à l'horizontale, d'accord? Mi-sherri. Mais elle va être plus verticale, d'accord? Ro. Mi-rabbika, mi-ro. Donc on voit la bouche, elle est plus pareille. Mi-rabbika, ro. Mi-rabbik. Donc le ro, la première règle, elle est simple aussi. Pareil pour tarqiq, mais pour le tafrim, on dit la même chose. La première règle, elle est simple. Quand il y a une dhamma ou bien une fatha sur le ro, c'est emphasé. Et de toute façon, ça suit. T'as pas le choix. Quelque part, t'as pas le choix. Parce que tu vas pas dire, ri, tu peux pas, ri, ri, tu suis, ri. Mais quand t'as la fatha ou la dhamma, tu peux pas dire, ra, ru, tu peux pas. Donc tu vas dire, ra. C'est naturel, ra, ru. D'accord? Ça suit. Donc, ri, ça suit, ra, ru. Wadih? Donc quand il y a une fatha ou une dhamma, c'est bit tafkhim. On remplit la bouche. Ra, ro, ri. Vous entendez la différence? Elle est claire. Claire? C'est le premier cas. Ra. Le deuxième cas, le ra porte une fatha. D'accord? Bon, fatha et dhamma, on les a réunis déjà, c'est bon. L'autre cas qui suit, le ra porte une soukoun. D'accord? Et est précédé d'une dhamma. Simple aussi. Donc quand ça porte une soukoun, on fait comment? On revient sur la lettre qui est avant. C'est comme ça, on sait pas. Il y a soukoun, ar. Mais comment on va la faire? Emphasée ou pas? La règle, c'est toujours comme ça. Viens sur la lettre qui est avant. Si la lettre qui est avant, elle porte une kasra, le ra, va être bi tarqiq. D'accord? Si la lettre qui est avant, ça porte une fatha ou une dhamma, le ra, va être bi tafkhim. Wadih? Donc, là, on regarde la lettre qui est avant. C'est précédé d'une dhamma ou d'une fatha, à ce moment-là, c'est bit tafkhim. Nahou, exemple. Bismillahir Rahmanir Rahim. D'accord? Donc là, on a la fatha sur le ra. Wadih, c'est simple. Pour la dhamma, idha ja'a nasru, nasru. D'accord? Il y a la dhamma sur le ra. Le troisième cas, Allah Azza wa Jalla dit ulaika yujazawna al-ghurfa. Al-ghurfa. D'accord? Ici, quand on regarde al-ghurfa, on regarde qu'il y a ra avec sukun. Donc on a dit on revient sur l'alif qui est avant. Al-ghu. Ah, sur le ra'in, on a dhamma. Donc on sait que ça va prendre le ra mufakhama. D'accord? On va dire al-ghur. Al-ghur. D'accord? Al-ghurfa. Al-ghurfa. D'accord? Et on repart avec al-tarqiq fa. D'accord? Hakada taqulu al-arab. C'est comme ça que prononcer ici les Arabes. Les lettres à la base bit-tarqiq. Fa, on dit pas fa. D'accord? On dit ba, on dit pas ba. On dit etc. Ta, on dit pas ta. D'accord? Donc on dit al-ghurfa, al-ghurfa. C'est pour ça on dit aussi si on prend khalaqa, donc on va voir kha mufakhama, lam muraqqaqa, qa mufakhama. Donc on va dire khalaqa. Khalaqa, on va pas dire khalaqa. C'est faux. Khalaqa, le معنى est bon, pas de problème. Lakin c'est une erreur dans le tajwid. Khalaqa, c'est un lahn khafi ici. Khalaqa. D'accord? Khalaqa. واضح? Donc ici on dit on regarde la lettre qui est avant. Et pareil, si c'est une fatha dans la lettre qui va précéder la lettre qui était avant, donc à ce moment-là, comment on fait? La même chose. Donc par exemple, wa'r, d'accord? Si le ra avec sukun, la lettre qui vient avant porte une fatha, c'est pareil. Donc mufakhama. Donc on va dire wa'r sala alayhim wa'r. D'accord? Wa'r. On va pas dire wa'r. Wa'r. D'accord? Mufakhama. Pourquoi? Parce que il est ra avec sukun, on veut savoir si c'est emphasé ou pas. Regarde la lettre qui est avant. Fatha dhamma, c'est bon, c'est emphasé. Wa'r sala. Et on va pas dire wa'r sala. Donc même à l'entente ça sonne pas bien. Wa'r sala. Wa'r sala alayhim. Wa'r. Wa'r. D'accord? Wa'r sala. Wa'r sala. Wadih? Le ra porte une sukun et est précédé d'une kasra et est dans le même mot suivi par une lettre emphatique. D'accord? Donc là, on a un ra qui porte une sukun. Wadih? Il est précédé d'une kasra. Il est précédé d'une kasra. Et est dans le même mot suivi par une lettre emphatique. Lettre emphatique, va, kha, sa, da, ghain, ta, qaf. C'est ça, même quand on les prononce qaf, ta, da, sa, on voit qu'on remplit la bouche. C'est ça, les huruf al-mufakhama ici, qui sont emphasés. Donc ici, à ce moment-là, c'est bit tafrim. Par exemple, on a qirtas. Qirtas dans sourate Al-An'am, verset 7. Je prends juste le mot. Qirtas. Donc ici, on a le qaf. Mais on a une kasra. Et on a le ra, bis-sukun. Mais la lettre, et on est dans le même mot, hein. Et la lettre qui suit le ra, bis-sukun, elle est emphasée. Ta. À ce moment-là, ici, on va la rendre emphasée. On va la rendre emphasée. On va dire qirtas. On va pas dire qir, qir. Non, qir. On va l'emphaser. Qir, qir. Qirtas. D'accord? Qirtas. Wadih? On a par exemple wa irsada, wa irsada, wa irsada. D'accord? Dans sourate At-Tawba, verset 107, je prends juste le mot wa. Donc normal. I, ah, on a al-kasra, la hamza avec al-kasra. Donc on part avec ir. Normalement c'est ir. Mais c'est dans le même mot, d'accord, nafs al-kalima, La lettre qui vient après, elle est emphasée. Sa, il y a le sad. Et bien, ça l'emporte. Et on va dire ici, wa irsada, wa irsada. D'accord? Wa irsada. Ou plutôt, wa irsada. Wadih? Donc, il y a le sad. Le sad va l'emporter et va pousser à l'emphase. Wa irsada. D'accord? Il y a plusieurs exemples, hein. Par exemple, mirsada, dans surat An-Naba, verset 21. On a encore le cas, le ra porte une soukoun et est précédé par une kasra. Toujours normal, ra, il porte une soukoun, mais il est précédé par une kasra. Nom originel dû à Hamzatul Wasl. D'accord? Par exemple, et ça on va pas parler de Hamzatul Wasl, ça c'est un cours. Al-Arab, à leur époque, quand ils commençaient des mots, il y avait Hamzatul Wasl. Avec Hamzatul Wasl, il la laissait pas comme ça. Il l'a vocalisé. Il mettait soit une kasra, soit une fatha, d'accord, soit une dhamma, mais il laissait pas comme ça. Par exemple, si tu veux dire à quelqu'un, rentre. D'accord? Tu vas dire comment? Outroul. Pourquoi tu dis ou? Outroul. C'est comme ça qu'ils disaient les Arabes. Outroul. Ils n'allaient pas dire troul. Donc maintenant, dans Darijan, on va dire troul. Mais eux, c'était pas comme ça. Ils disaient ou? Outroul. C'était Hamzatul Wasl, il la laissait pas comme ça. Outroul. D'accord? Par exemple, par. مثلاً كقول الله عز وجل اذهب إلى فرعون اذهب d'accord si tu commences ici tu dis اذهب à quelqu'un tu vas commencer Hamzatul Wasl tu vas pas la laisser comme ça soit tu dois la mettre Hamzatul Wasl soit une fatha soit une dhamma soit une kasra tu dois le faire et là il y a des règles pourquoi on met la fatha pourquoi on met la kasra pourquoi on met la dhamma ça on le verra inshallah ta'ala lakin ici quand tu commences avec Hamzatul Wasl et qui porte une kasra. Donc à ce moment-là, le ra, même s'il a ici une soukoun, là par contre, tu devras l'emphaser. Tu devras l'emphaser. Pourquoi? Parce que le ra qui porte une soukoun et qui est précédé par une kasra non originelle, due au hamzatul wasl, quand la kasra elle est due à hamzatul wasl, à ce moment-là, le ra bis soukoun qui vient après, tu l'emphases. Exemple, nahou, irji'i. Tu vas pas dire irji'i, irji'i. Pourtant, la règle, elle était i, le ra, bisoukoun, bitarqir. Mais là, c'est une exception. Là, tu commences le mot avec hamzatul wasl, qui a pris une voyelle, et qui a pris quoi? Al-kasra. Donc, tu vas dire ir, ir, irji'i, irji'i. Tu vas pas dire irji'i. Irji'i, c'est bitarqir. Ra, muraqqaqa. Irji'i, irji'i. Vous sentez la différence ou pas? Plus emphasé. Ir et ir. Irji'i, irji'i. D'accord? Dans surat al-Fajr. D'accord? Verset 28. Irji'i ila rabbik. Irji'i ila rabbika. Ra, ra. Donc là, on va dire pas ra, ra. Non. Ra, di, di, di. D'accord? C'est di. Da, du, di. C'est pas di. Il y a une différence entre di et di. D'accord? Irji'i. Et c'est pas irji'i. Le jim, d'accord? Fil l'ura. Et l'arab, il le prononçait jim. C'est pas jim. Il y a beaucoup qui disent jim. C'est une erreur khata. Dans la prononciation, makharij al-huruf, c'est une erreur de dire jim. C'est jim. D'accord? On dit pas irji'i. Irji'i. Irji'i. Le jim, il se prononçait comme ça chez les Arabes. Et beaucoup les Égyptiens, maintenant, ils prononcent le jim, pas jim. Pourquoi? Parce que déjà, à la base, ils prononcent comment le jim? Ga, gi. D'accord? Donc ici, ils disent ga. C'est comme ça dans leur dialecte à eux. Et donc, après quoi, ils veulent appliquer les règles. Donc, ils passent déjà du ga au jim. Donc, après, eux, passer du ga directement au jim. D'accord? C'est un peu, c'est vraiment, c'est, ils arrivent, ils passent au jim, ils s'arrêtent là. Beaucoup d'Égyptiens, et ici de récitateurs aussi, ils le font. À la base, en tout cas, dans les règles de l'arabe, comme disait l'ulama, c'est jim. C'est pas jim, jim. Donc on dit, ارجعي c'est pas irji'i. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. D'accord? Donc ici, le roi porte une soukoun à l'arrêt pour le dernier des cas. On est toujours le roi qui porte une soukoun à l'arrêt. Et il est précédé d'une lettre sakin. Toujours normal, on a dit, on s'arrête, mais la lettre qui est avant, elle est sakin. Donc comment on fait? Non vocalisé. Autre que le ya, c'est pas le ya, qui elle-même est précédée d'une fatha ou d'une dhamma. Donc on regarde par exemple wal asr. Donc on a, donc on s'arrête wal asr, donc dans le ra, non vocalisé, parce qu'on s'arrête, il y a une pause, ou alors on est en fin de verset. Ensuite avant, ici, il est précédé d'une lettre sakin. Donc on a le sad, il y a rien sur le sad, c'est pas sa, si, sou, il y a rien. Et on regarde la lettre qui est avant alors. Donc on n'a pas de renseignement, on cherche encore plus loin. On va regarder la lettre qui est avant encore et on voit il y a une fatha. Et il y a une fatha avant, donc on met en application la règle. C'est quoi? At-tafkhim. On a wal-asr. D'accord? Wal-asr. Donc on a le ra mufakhama wal-asr. D'accord, on va pas dire wal-asr. Wal-asr. Wadih? Et le dernier cas maintenant, c'est quand on a le choix. Il peut être fait avec le tafrim ou bien avec le tarqiq. D'accord, soit avec le tafrim ou soit avec le tarqiq. Là, ici, on a le ra qui porte une soukoun. Et après, faut savoir que dans les courants en général, hein, ils facilitent surtout, je conseille aux frères et aux sœurs qui débutent, ici en tout cas du moins, c'est de faire avec les courants avec les couleurs, où ils ont expliqué pour se familiariser au début, où ils te disent ça c'est avec l'emphase, ça c'est les citants, ça c'est les quatants, au début. Et après, petit à petit, ça va être mécanique, incha'Allah ta'ala. Il faut faire attention aussi. On a dit, il y a deux types d'erreurs. Hein. Il y a l'erreur qui change le sens, ou qui change, tu changes une lettre, ou bien tu changes une voyelle, ça, c'est pas accepté. Amma les autres erreurs inda al-jumhur, si tu n'appliques pas le qalqala par exemple, ou bien tu ne fais pas l'ikhfa, ou bien là, inda al-jumhur, ici, ta récitation est quand même bonne. Mais il y a un manquement dedans. Donc, il faut pas désespérer. Tu vois, bah ça y est, je vais parler. Non, alhamdulillah. Warattili al-Qur'an tartila. Donc ici, il faut d'abord réciter le Coran comme il se doit, d'abord avoir une bonne récitation, c'est-à-dire sortir les lettres comme il se doit, ne pas changer le sens et ne pas inverser ou changer des voyelles. D'accord? Après bi'idhnillah, petit à petit, étape par étape, tu vas te corriger. Le principal, c'est d'avoir une récitation correcte, lente et bonne, incha'Allah ta'ala. Wadih? Donc on a le cas où il y a le ra qui porte une soukoun. Et il est précédé par une lettre qui porte une kasra. D'accord? Donc ra qui porte une soukoun. La lettre qui est avant lui, elle porte une kasra. Et il est suivi par une lettre, par contre, qui a une emphase, qui est emphatique. Mufakhama. Mais elle porte une kasra quand même. D'accord? Donc c'est un ra bisoukoun. La lettre qui est avant, elle porte une kasra. Mais la lettre qui est après, elle porte une kasra, mais la lettre qui est après, c'est une lettre emphasée. D'accord? Soit le sad, soit le qaf, il a akhiri. Donc, à ce moment-là, si on continue la lecture, on peut choisir entre le rang mufakhama ou bien muraqqaqa. D'accord? Le tafrim, pourquoi? On va le voir pourquoi. Le tarqiq, pourquoi? On va le voir pourquoi. On prend un exemple. Ici, dans Surat Ash-Shu'ara, verset 63, ici je prends la partie qui nous importe. Kullu firq. D'accord? Kullu firq. Dans le verset 63. On a kullu. Là, on prend le mot. Firq. On a le fa. Porte une kasra. Ra avec sukun, c'est clair. Mais par contre, la lettre qui vient après, même si elle porte une kasra, elle fait partie des lettres mufakhama. Kullu firq. Donc là, t'as le choix. Soit firq ou soit firq. D'accord? Soit avec التفخيم ou soit avec الترقيق. واضح? Le التفخيم de part, le fait que le qaf fait partie des lettres, d'accord, élevées, est toujours emphatisé. Et le الترقيق, quant à lui, est permis de part, le fait que le التفخيم du qaf est affaibli par la kasra qu'elle porte. Pour ça, on dit là, on va le mettre avec الترقيق. Parce qu'il est affaibli le qaf avec la kasra. D'accord? Et si on s'arrête sur le mot, par contre, kullu firqa. Si on s'arrête sur le mot, d'accord, donc sur le qaf, on le rend mufakham. Dans ce cas-là, on rejoint la règle du ra, lui avec emphase, c'est le cas où le ra porte une soukoune et précédé d'une kasra, d'accord, d'origine et est dans le même mot suivi par une lettre emphatique. Qaf, ta, ghain, da, sa, kha, va. Donc si on s'arrête, à ce moment-là, ça prend la règle où on avait dit on s'arrête dans une lettre qui est non vocalisée, c'est-à-dire elle n'a pas de voyelle, mais elle est emphasée. Donc on va dire kullu firq, kullu firq, kullu firq. D'accord? On va l'emphaser. Wadih? Mais si on continue, elle va être affaiblie par la kasra, donc t'as le choix. C'est clair? Et le dernier cas, on a le ra qui porte une soukoune à l'arrêt et est précédé par une lettre emphatique. Sakin. Par exemple, ta. Non vocalisée, qui elle-même est précédée par une lettre portant une kasra. Et là, il y a une divergence. Certains disent bit tarqiq, d'autres disent bit tafrim. Nahou. Allah Jalla wa Ala dit dans Surat Saba, verset 12. D'accord? وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرَ. D'accord? Donc ici, on a le ra, bis-sukun. Avant, on a le ta, bis-sukun. Mais ça reste une lettre emphasée. Et avant le ta, on a le qaf. D'accord? Et le qaf, il porte une kasra. Donc ici, le fait qu'il y a le ta, même s'il a une sukun avant, il a une influence dessus. D'accord? Et ce cas-là ne se présente que pour deux mots dans le Saint-Coran. On a ici Al-Qitr et on a Misr. Et on les retrouve quatre fois dans le Coran, mais que pour ces deux mots. D'accord? Ça, c'est à l'arrêt. La lettre qui est avant, c'est une lettre emphasée. Sakin. Et la lettre qui est avant, elle porte une kasra. Les savants, ils ont divergé. Certains, ils ont dit on applique le tafrim, et d'autres, ils ont dit at-tarqiq. Ibn al-Jazari, il dit le tafrim du ra à l'arrêt pour le mot misr, et le tarqiq à l'arrêt pour le mot qitr. Ça c'est ici Ibn al-Jazari. Il dit le tafrim du ra à l'arrêt pour misr, d'accord, misr. Mais amma pour qitr, ici, lui il dit c'est at-tarqiq, d'accord, qitr, qitr. Voilà qu'il y a un khilaf entre savants. À la kulli hal, certains disent que tu peux le faire soit le premier cas ou soit le deuxième cas. Wadih? C'est dur, hein? Faut tenir, hein? À la kulli hal, je vais pas trop prolonger parce que je sais que c'est un peu tard et que les fins de journée sont difficiles. Et que je sens l'ambiance ilmi, inshallah. Donc on va essayer de couper en plusieurs cours là pour pas que ça soit trop compressé. À la kulli hal, on va arrêter inshallah. Il nous restera les règles du alif, ahkam ou l'alif, qui est simple, très rapide. Et ensuite, il nous reste ahkam, ici, al-hamza. On va parler de hamzatul wasl. Hamzatul wasl et hamzatul qat'a. Et c'est là ce que je vous ai dit, comment on va comprendre Hamzatul Wasl et comment on doit commencer avec une kasra ou bien une fatha ou bien une dhamma. Ça, on va le voir inshallah ta'ala. Et quand on aura terminé ça, ensuite on pourra finir la série avec les arrêts. D'accord? Où on s'arrête, quand on s'arrête, quand on peut s'arrêter, quand on peut pas s'arrêter. Et inshallah ta'ala, donc le prochain cours, on est quel jour? Mercredi, c'est demain. Demain, bi'idhnillah, on essaiera, si on arrive à faire juste les règles du alif et les règles du hamza, et comme ça on va couper un peu pour fractionner, pour pas que ça soit trop compressé. Et bi'idhnillah azza wa jal, on terminera avec le dernier cours sur les règles concernant les arrêts. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam, walhamdulillahi rabbil alamin. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا ورسول الله معلمنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله